Voilà, et on va passer tout juste maintenant à la bonne nouvelle du jour, jingle. Mais quel est ce bruit ? Est-ce une usine ? Est-ce une locomotive ? Eh bien non, Emma. C'est le son de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et en lien avec une espèce animale qui s'appelle Magicicada septendecime, qui sont communément appelées cigales périodiques. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cigales ? Parce que ces cigales périodiques, elles sortent chaque année d'un long sommeil pour se reproduire. Et la nature est bien faite, ou en tout cas les cigales sont plutôt un petit peu méfiantes à l'égard de leurs prédateurs. Et elles désynchronisent leur sortie par groupe. Chaque année, il y a un groupe de cigales qui sort pour vivre un petit moment, se reproduire, et puis ensuite passer le plus clair de leur temps à vivre sous terre. Là où il y a quelque chose qui est un petit peu miraculeux qui va se produire, c'est que cette année va être marquée par l'émergence simultanée de deux couvées distinctes, les couvées baptisées 13 et 19. Et tout ça, ça va se passer donc aux États-Unis. Ces deux couvées vont se retrouver ensemble et... Pendant la fin avril jusqu'à la fin mai, ça va générer un environnement sonore aux États-Unis qui sera assez important vu que ces deux couvées vont se rencontrer. Le site Géo parle de ces cigales aux yeux rouges et aux ailes orangées qui sont des insectes périodiques qui passent 13 ou 17 ans selon les couvées enfouies dans le sol où elles se nourrissent de la sève des racines. Au printemps, quand les températures atteignent 17 à 18 degrés, toute une génération émerge et donne lieu à des invasions de cigales spectaculaires qui peuvent rassembler 1000 à 2000 insectes au mètre carré. Figurez-vous. C'est énorme. Et là où le miracle opère cette année, c'est que la rencontre des couvées 13 et 19 ne se reproduit que tous les 221 ans. 221 ans, c'est le temps que Radiosine a attendu pour pouvoir parler de ce sujet miraculeux. Donc si vous qui nous écoutez habitez aux États-Unis, sachez que cette année, ça va être la fête pour vos petites oreilles. Et pour ceux qui n'y habitent pas, précipitez-vous chez EasyJet pour prendre votre billet et traverser l'Atlantique. Non, c'est mal, Antoine, ne dis pas oh ça. Non, c'est mal, ça se dit pas. Mais on ne peut plus rien dire. Non, on ne peut vraiment plus rien dire. Oh, l'horreur. Et de la bonne nouvelle, on passe au mot magique. Ouais, et tu as vraiment le chic pour trouver des bonnes nouvelles à part ça. Bravo, merci beaucoup. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Ouais, oui, vraiment. Et le mot magique se rapporte aussi aux cigales, parce que c'est le mot acoustémologie. Ce mot, on le doit à Stephen Feld, qui est un ethnomusicologue. Et c'est un mot qui se rapporte à la question de se fabriquer un savoir, une connaissance à partir de notre écoute. Donc c'est une sorte de merge entre acoustique et épistémologie. Donc l'acoustémologie joint acoustique et épistémologie, qui est une théorie qui vise à analyser les savoirs produits par les sons et par l'écoute active, qui est développée par l'ethnomusicologue Stephen Feld en 1992. Et Stephen Feld en parle très bien dans un petit livre qui s'intitule « La recherche sonore comme composition », qui regroupe 4 conférences, dont une qui s'intitule « Hearing Heat, une acoustémologie anthropocénique », où il est question de cigales dans différentes régions du monde. Et comment dans ces différentes régions du monde, la présence des cigales et de leur son a créé différentes connexions, différentes connaissances liées à la présence de ces sons. Et... une petite citation de Stephen Feld pour terminer ce mot du jour. Changer notre relation avec les sons peut potentiellement modifier notre perception du monde. Ça claque, hein. Ouais, vraiment ça. Vraiment. Merci beaucoup, Antoine, pour ce mot magique, enfin cet enchaînement en plus très cohérent entre ces deux informations. C'est la magie de la radio. Ouais, enfin j'ai vu, hein, juste avant, t'as bien bossé quand même.